c'est trop la haine, ils disent au quartier. Vas-y, envoie des sons. Attends, je te coupe la moitié. Je te rajoute un bon champ. T'inquiète, cousin, c'est piloté. Il a géré des missions. On va fêter ça en beauté. Il est en permission. La SS, il a craqué. Il a posé sa démission. J'ai la dalle, ça bosse au paquet, frérot. J'ai ta peine de son ammunition. Je me demande où est mon pote. Je me demande où est ma pote. Il me demande de faire la photo. Elle me demande de faire la photo. Oh mon pote, t'as trop menti. T'as trop déçu. C'est la vie, tant pis. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu me délentis. Tu me fais le fou, mais avant t'étais gentil. Oh ma pote, t'as trop menti. T'as trop déçu. C'est la vie, tant pis. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu me délentis. Tu me fais la folle, mais avant t'étais gentil. Mendec à qui tu traites de clochard? Y'a le fusil dans sa quechua. Et nique tes morts, même pas je te calcule. Je préfère parler à ma Red Bull. Tu te fais des films, t'as Luc Besson. Arrête poser des questions. Avant t'étais le sang. T'étais la famille en question. Rappelle-toi la tour en gaieté. Rappelle-toi on s'est fait péter. J'ai assumé même en été. J'étais à Herbel en été. Oh mon poteau, t'as trop menti. T'as trop déçu. C'est la vie, tant pis. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu me délentis. Tu me fais le fou, mais avant t'étais gentil. Oh ma poteau, t'as trop menti. T'as trop déçu. C'est la vie, tant pis. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu me délentis. Tu me fais la folle, mais avant t'étais gentil. Ce soir j'ai pris un radar. Je me suis pris de flash pour un flash. Les képis ils sont au bar. Je cache la fumée dans le calbar. Transactions ils sont en retard. Wesh le poteau rend le pétard. Je la consomme comme un gros pétard. Je flatte pas de somme. Je suis pas un fêtard. Ça fait pom pom. C'est du 13ème marge. Je la consomme comme un gros pétard. Elle est bonne bonne. Ça fait très très mal. Ça fait pom pom. C'est du 13ème marge. Oh mon poteau, t'as trop menti. T'as trop déçu. C'est la vie, tant pis. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu me délentis. Tu me fais le fou, mais avant t'étais gentil. Oh ma poteau, t'as trop menti.